le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamezo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Bienvenue au mois de juillet. Et oui, déjà, nous sommes donc le lundi 1er juillet. Nous souhaitons une bonne fête au Thierry, ça vient du germanique, gouverneur du peuple. Thierry est un homme sensible et émotif, même si son comportement extérieur laisse supposer le contraire. En effet, il peut apparaître froid et distant ou un peu strict alors qu'il ne s'agit que d'une façade dissimulant tant bien que mal sa timidité naturelle. Il est également prudent et méfiant et garde sa réserve lorsqu'il ne sait pas à qui il a affaire. Néanmoins, c'est quelqu'un qui gagne à être connu car il est sérieux, raisonnable, responsable et on ne fait pas en vain appel à lui. Il est doué pour gérer les problèmes matériels ou pratiques et n'est pas le dernier à participer, le travail étant souvent une satisfaction pour lui ou un moyen de se mettre en avant. Pourtant, Thierry est un personnage à facettes étant donné les deux influences contraires qui coexistent en lui, à savoir le 4, signe d'introversion et de solitude, qui lui donne l'apparence de quelqu'un de sérieux, travailleur, austère, méthodique, patient, pointilleux, persévérant, voire obstiné parfois, et le 3, signe d'extraversion et de sociabilité qui le rend plus ludique et léger, impatient, éparpillé, désordonné même, ce qui de temps en temps surprend lorsqu'on connaît l'autre personnage. C'est ainsi qu'on le verra stable, économe et assidu pendant une longue période, puis beaucoup plus dissipé et désireux de s'amuser. Thierry veut progresser sans cesse et si la monotonie a du bon, puisqu'elle le sécurise un certain temps, la nouveauté est excitante. De toute façon, lors des changements de son existence, il réfléchira longtemps avant de se lancer et ses risques seront calculés. Par ailleurs, bien qu'ayant un fond nerveux, il a un self-control très au point. Toutefois, avec le 1 karmique, il peut avoir quelques difficultés de prise en charge personnelle qui peuvent l'amener sur le chemin de l'autoritarisme, de l'intransigeance et de l'arrogance, à moins que plus rarement, il ne se repose un peu trop sur les autres. Dicton du jour à la Saint-Thierry au chant jour et nuit. Célébration internationale aujourd'hui, journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté, rappelant les objectifs du millénaire signé en 2010. En Australie et Nouvelle-Zélande, c'est la fête du tartan. Au Burundi, Rwanda, c'est la fête nationale célébrant l'indépendance vis-à-vis de la Belgique. Au Canada, c'est tout simplement la fête du Canada. Au Québec, c'est la fête du déménagement qui n'est pas une fête à proprement parler, mais plutôt un phénomène social, la fête du déménagement. Est le jour de l'année au Québec pendant lequel plus de 200 000 déménagements ont lieu. À Madère, c'est la fête de Madère célébrant son autonomie vis-à-vis du Portugal en 1976. Et en Somalie, c'est la fête nationale, journée de l'indépendance somalienne célébrant son indépendance vis-à-vis de l'Italie en 1960. Dans les événements qui se sont déroulés un 1er juillet en 987, Hugues Capet est élu roi des Francs par les prince du royaume. 1867, création et indépendance du Canada à la suite de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. 1962, indépendance du Burundi et du Rwanda. Et en 2011, avait lieu le mariage civil et religieux d'Albert II de Monaco et de Charlène Whitstock. Et j'ai oublié, aujourd'hui c'est le brevet. Et oui, ça devait être la semaine dernière, mais en raison de la canicule, eh bien ça a été reporté à aujourd'hui et demain. Bon courage à tous ceux qui passent le brevet. Ce matin, c'est français. Cet après-midi, ce sera mathématiques. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec le groupe Blondie et leur titre Call Me. Yeah. avec le titre Call Me sur RGM. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 1er juillet 1945, naissance de Deborah Harry, chanteuse américaine du groupe Blondie. 1952, naissance de Dan Aykroyd, acteur canadien, connu pour son rôle d'Elwood Blues dans les Blues Brothers et Blues Brothers 2000. Son rôle du docteur Raymond Stantz dans SOS Fantôme 1 et 2 est vu également dans J'ai épousé une extraterrestre. 1961, naissance de Carl Lewis, ancien athlète américain qui compte 10 médailles olympiques, dont 9 en or, ainsi que 10 médailles au championnat du monde d'athlétisme, dont 8 en or. 1964, naissance de Bernard Laporte, ancien joueur entraîneur de rugby français. Il a fait sa carrière de joueur de 1981 à 93 en jouant à Gaillac, Bordeaux-Bègles. Il est devenu entraîneur en 93. Il a entraîné jusqu'en 2016. Il a été l'entraîneur du Stade Bordelais, du Stade Français Paris, de 99 à 2007 l'entraîneur de l'équipe de France et de 2011 à 2016 l'entraîneur de Toulon. Aujourd'hui président de la Fédération Française de Rugby à 15. 1966, naissance de Stéphane Caron, ancien nageur français qui aux Jeux Olympiques compte 2 médailles de bronze, au championnat du monde Grand Bassin, 1 médaille d'argent, au championnat d'Europe Grand Bassin, 1 médaille d'or et 3 d'argent. 1967, naissance de Pamela Anderson, actrice canadienne, connue vue à la télévision dans Marié deux enfants, Papa Bricole, connu pour son rôle de Kazé Jane alias C.G. Parker dans la série Alerte à Malibu, vu également dans la série VIP dans le rôle de Valérie Irons, vu au cinéma dans Scooby-Doo, Scary Movie 3, Baywatch, Alerte à Malibu dans le rôle de Kazé Jane, Nicky Larson et le parfum de Cupidon dans le rôle de Jessica Fox. 1972, naissance de Claire Forlani, actrice anglaise vue dans Rencontre avec Joe Black dans le rôle de Suzanne Parrish, à la télé dans Les Experts Manhattan dans le rôle du docteur Peyton Driscoll, NCIS Los Angeles dans le rôle de Lauren Hunter, l'agent spécial du NCIS, et vu également dans Hawaii 5-0. 1974, naissance de Monsieur Fraise, humoriste français. 1977, naissance de Liv Tyler, actrice américaine vue dans Armageddon dans le rôle de Grace Tamper, la trilogie du Seigneur des Anneaux dans le rôle d'Arwen, ou encore l'incroyable Hulk dans le rôle de Betty Ross. 1982, naissance d'Hilary Burton, actrice américaine, connue pour son rôle de Peyton Sawyer dans la série télé Les Frères Scott, son rôle de Sarah Ellis dans la série FBI Duo très spécial, apparue dans quelques épisodes de Grey's Anatomy, dans Castle et dans les saisons 1 et 2 de L'Arme Fatale dans le rôle de Karen Palmer. 1985, naissance de Léa Seydoux, actrice française vue dans Inglourious Basterds dans le rôle de Charlotte Lapadite, Robin des Bois de Ridley Scott dans le rôle d'Isabelle d'Angoulême, Minuit à Paris, Mission Impossible Protocole Fantôme dans le rôle de Sabine Moreau, La vie d'Adèle chapitre 1 et 2 dans le rôle d'Emma récompensée par la Palme d'Or au Festival de Cannes, en 2014 dans La Belle et la Bête dans le rôle de Belle, dans Saint-Laurent dans le rôle de Loulou de la Falaise, dans 007 Spectre dans le rôle de Madeleine Swann, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans Bond 25, sortie prévue l'année prochaine. 1989, naissance de Mitch Ewer, acteur britannique connu pour son rôle de Maxie Oliver dans la série télé Skins. C'est également l'année de naissance de Daniel Ricciardo, pilote automobile de Formule 1 australien, 154 courses, 29 podiums, 7 victoires. 1991, naissance de Kev Adams, humoriste, acteur français découvert dans On ne demande qu'à en rire, vu dans la série télé Soda dans le rôle d'Adam Fontella, vu dans Les Profs 1 et 2 dans le rôle de Thierry Boulard, Kidon, Fiston, Les Nouvelles Aventures d'Aladin dans le rôle d'Aladin alias Sam, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Aladdin 2 sorti en 2018, vu également dans Un sac de billes dans le rôle de Ferdinand, Rock'n'Roll, Love Addict ou encore L'espion qui m'a largué, et il sera également dans le film All Inclusive sorti prévu prochainement. En 1991, décédé Michael London, acteur américain connu pour son rôle de Charlene Galls dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. Et en 2004, décédé Marlon Brando, acteur américain vu dans Un tramway nommé Désir, Sur les quais, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, La Vengeance aux deux visages, où il est également réalisateur, Le Parrain, Oscar du meilleur acteur, Apocalypse Now ou encore Christophe Colomb, La Découverte. Et en parlant de découverte, eh bien on va s'écouter deux petites nouveautés et on commence avec M. Pokora. C'est son nouveau titre, ça s'intitule Tomber. Si jamais t'oublies le premier regard, ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou. Ta peur et confiance en moi, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou. Pokora, nouveau donc extrait de son nouvel album Pyramide. On va faire un point tout de suite sur la météo à 8h46. La météo. Fini la vigilance orange à la canicule, nous voilà en vigilance jaune. On va un petit peu mieux respirer. Aujourd'hui, ce sera du soleil avec quelques nuages. De rares averses sont à prévoir, ce serait pas mal, hein, ça va faire un peu de bien. Des températures qui restent tout de même élevées ce matin, elles sont déjà comprises entre 22 et 23 degrés. Cet après-midi, on ne dépassera pas les 29 degrés. Et oui, ce sera entre 28 et 29 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, ça fait rêver, et entre 25 et 26 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi, très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, et entre 25 et 26 degrés prévus pour mercredi après-midi. On va respirer et tout de suite on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et honneur aux dames, on fait un point sur la Coupe du Monde féminine. Petit jingle. Et Et malheureusement, c'est la fin de la compétition pour notre belle équipe de France féminine qui s'est inclinée vendredi soir 2-1 face aux États-Unis. Le but français est signé Wendy Renard, meilleure buteuse de l'équipe de France. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour venir à bout des Américaines. Et donc, pas de demi-finale pour l'équipe de France et pas de Jeux Olympiques non plus, malheureusement, pour notre équipe de France féminine. Dans les autres résultats, les Pays-Bas se sont qualifiés 2-0 face à l'Italie et la Suède a créé la sensation en éliminant l'Allemagne 2-1. La demi-finale de mardi opposera l'Angleterre aux États-Unis et mercredi ce sera Pays-Bas Suède. Sport féminin toujours avec cette fois-ci du basket et l'Euro. La France s'est imposée 88-53 face au Monténégro et hier s'est imposée 71-65 face à la Suède. 3 victoires en 3 matchs pour notre équipe de France féminine, synonyme de qualification pour les quarts de finale qui auront lieu jeudi et on connaîtra l'adversaire de l'équipe de France demain. Un mot de cyclisme, on est à quelques jours du début du Tour de France qui va passer dans les Vosges d'ailleurs. Mais hier, c'était les championnats de France et c'est Warren Barguil qui portera le maillot bleu-blanc-rouge. Nasser Boigny lui a terminé 23e. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix d'Autriche remporté par Verstappen devant Charles Leclerc et Bottas. Pierre Gasly, lui, s'est classé 7e et Romain Grosjean 16e. Un mot des Jeux européens avec les dernières médailles remportées par nos Français en karaté. Moins de 50 kg médaille de bronze pour Sofia Bouderban, en moins de 61 kg médaille de bronze pour Gwendoline Philippe, en Kérin médaille d'argent pour Ryan Elal, en cyclisme sur piste vitesse individuelle médaille d'argent pour Mathilde Gros, en badminton le double féminin Anne Tran et Émilie Lefel ont remporté la médaille de bronze. Delphine Delru et Tom Guiquel ont remporté la médaille de bronze. Et Brise Leverdez a remporté la médaille d'argent. En boxe, moins de 64 kilos médaille d'argent pour Sofiane Oumika. Et en super lourd, médaille d'argent pour Mourad Allieu. Et en gymnastique artistique, médaille d'argent pour Laurette Charpie. Et on termine cette actualité sportive avec du tennis et le tournoi de Wimbledon. Ça y est, le troisième grand chelem de l'année commence aujourd'hui. Côté féminin, on retrouvera Alizé Cornet face à Azarenka, Caroline Garcia face à Zhang. Osaka affrontera Putintseva, Alep sera opposée à Saznovic. Il y aura également sur les courts Venus Williams, Pliskova, Wozniacki, Sabalenka, Sevastova, Svitolina ou encore Vondrousova. Côté messieurs et côté tricolore, un duel franco-français entre Humbert et Monfils. Herbert, lui, affrontera Anderson. Jérémy Chardy se reposait à Clizane. Benoît Paire à Londero. Corentin Moutet à Dimitrov. Il y aura également Novak Djokovic opposé à Kohlschreiber. Alexander Zverev opposé à Vezeli et on retrouvera également Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas, Milos Raonic, Karen Khachanov ou encore Medvedev. Voilà pour l'actualité sportive, on va tout de suite marquer la dernière pause. Je vous parlais de nouveautés, cette fois-ci on l'a déjà entendu sur RGM, c'est Soprano Vincenzo, ça s'appelle Le Coach. C'est parti pour 3 minutes 20 de sport. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, hey, hey, hey. Faut taffer le cardio pour mieux. dips, pompe, barre. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va miser dans le coach, tu vas savoir qui est coach. Secondes de récup et on repart. Voilà, 10 secondes de récup, et ben nous on va bientôt se dire au revoir hein, puisqu'il est 8h55 et oui, ça passe vite. Et bien c'est pour moi l'heure de vous souhaiter une excellente journée et de vous donner rendez-vous demain matin. Ciao, bye bye.